Chapitre 6 Où l'on apprend à quoi les défunts passent leur mort. Hansel, émerveillé, s'arrêta sur le seuil. Devant lui s'étendaient à perte de vue des galeries sans nombre. Un escalier taillé dans l'albâtre y conduisait. « Je ne vois pas d'ouvrier de ce côté, » dit l'enfant. « Seigneur, » répondit Raphaël, « l'albâtre n'est plus de mode, les carrières en regorgent. J'ai dû envoyer les bras inactifs travailler l'or. On ne sait où donner de la tête, tant l'homme est insatiable. Les commandes nous arrivent de toutes parts. Chaque jour de nouveaux gisements sont découverts. Les anciens menacent de s'épuiser. Et voilà que l'on vient de découvrir l'Amérique. Je ne sais où cela s'arrêtera. Je vous enverrai la liste des mines que vous pourrez laisser tarir. Vous rendrez impraticable l'abord de certaines autres. Demain, vous recevrez mes instructions. » Puis, s'adressant à Hansel Eck, « Voici le pays mystérieux où germent les pierres dures, les pierres précieuses, les marbres et les métaux. Tous sont transportés par des chemins innombrables dans les différentes parties du monde. Dès qu'une source de richesse commence à s'épuiser, de nouveaux envois lui sont faits par les soins des travailleurs que vous voyez. Quels sont-ils ? De pauvres créatures mortes avant d'avoir reçu le baptême. Celles-ci ont fidèlement servi les faux dieux qu'on leur avait appris à adorer. On est pour elles plein d'indulgence, mais pour les purifier, on les envoie pendant quelques siècles travailler aux mines. C'est le surnuméraria du paradis. Celles-là étaient en état de péché véniel quand la mort les a surprises. Elles ne font que traverser ce pays. Tout à l'heure, nous verrons de pauvres petits-enfants privés des sacrements et qui attendent l'heure de prendre place parmi les bienheureux. Leurs travaux sont appropriés à leur force et à leur âge, vous en jugerez. N'est-ce pas une lampe de travail qui brille sur leur front ? Non, c'est leur âme. Un sentiment mauvais vient-il souiller leurs pensées ? La flamme languit et se meurt. Le repentir peut seul la raviver. Les morts surveillent aussi la germination et la floraison des plantes. Quand arrive la saison, c'est eux qui fendent la graine et montrent le chemin aux germes et aux racines. Ils broient la terre trop dure, ils démêlent les racines enchevêtrées. D'autres distribuent aux plantes leurs couleurs et leurs parfums. Chaque semence est un laboratoire microscopique. Les nouveaux venus débutent dans les pays glacés, dans les sables, là où la végétation est la moins compliquée. Peu à peu, ils gagnent la zone tempérée et préparent les gazons et les mousses. On leur livre ensuite les fleurs et les fruits. Ils achèvent leur stage par les céréales. Enfin, quand une âme est bien au fait de ce charmant travail, on l'envoie sous les tropiques, où les merveilles de la création lui sont confiées. Les feuillages les plus étranges, les lianes les plus échevelées, les fleurs les plus extravagantes, tout depuis la feuille naine jusqu'au cèdre géant, est abandonné à ses soins. Dans les pays déserts, nous mettons à l'étude les végétations nouvelles. L'homme les découvrira à l'heure prévue, quand nous les jugerons parfaites. D'autres peuples invisibles entretiennent la fraîcheur des sources. Ceux-ci apprennent au cours d'eau la chanson la plus nouvelle et disposent sur leur chemin les cailloux et les roches, de façon à produire des fredons harmonieux. Pour l'initié, le ruisseau est un clavier d'autant plus admirable qu'il suffit d'une branche qui se baigne, de quelques pierres qui roulent pour en changer toutes les combinaisons. Je n'en finirais pas si je voulais vous énumérer tous leurs travaux, car il n'y a rien dans la nature qu'il ne prépare sous l'œil de Dieu. Cette fleur que vous respirez, c'est un ami d'autrefois qui en a distillé le parfum. Un rossignol chante-t-il dans la nuit ? Écoutez cette douce sérénade, c'est peut-être votre enfant regretté qui l'a apprise à l'oiseau. La perle qui se roule sur vos épaules, C'est le frère que vous pleurez qu'il a semé dans la nacre. Les chers regrettés participent, invisibles, à votre vie en attendant le paradis. » L'enfant continua son chemin. Raphaël et Hänsel Eck marchaient à ses côtés. Partout, les emprunts faits aux carrières étaient répartis de telle sorte qu'ils ménageaient des colonnades, des portiques, des arceaux, des nefs gigantesques dont rien d'humain ne peut donner l'idée.